J'avoue que... Que t'as un trou, excuse-moi de te le dire comme ouais, ça. Ouais, mais voilà, mais... J'avais oublié, en fait, ce viol, encore une fois, et non, c'est vrai que... Ah non, non, le viol, c'est la semaine dernière. Non, non, c'était pour la journée de la femme, on a parlé du viol. Là, aujourd'hui, on va parler de musique, de grande musique. De grande musique. Oral sex. Alors, pour vous, tu veux un bonbon? Pour vous, le résultat d'une collaboration éphéméride. Tu veux un bonbon? C'est de la musique, ça. C'est de la... C'est magnifique. Justement, le thème de ce soir, dans Nuisance, c'est la musique. En célébration de la musique, ça fout la trique. Dans l'anus. Quelle joie! Des propos émouvants de Monseigneur Lustiger. Quelle joie! Ça, c'est de la musique, vous voyez? Ouais, je vois bien, ouais. Et ça aussi. Ouais. C'est visible. Hein. Marche libre, paysan libre, la terre libre. Ah, qu'il est bon de marcher pour l'homme citoyen des démocraties marchées. Les sourcils parce qu'il y a des méchants ailleurs. C'est eux. Voilà, c'est eux et on vous le montre. Merde, tu vas encore montrer mon cul, c'est ça? Je t'en ai marre que tu me fasses ça. À chaque fois, tu montres mon cul. C'est pas ton c'est pas cul, Mossad. C'est pas la peine de me prendre la mode. Tant. Bouchar Assad. T'as encore fait ça, la même chose que la dernière fois, je veux dire. Excuse-moi. C'est toujours moi qui fais la même chose, je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit quand on fait une connerie. On dit merde. On dit pas c'est ta faute ou la mienne ou quoi, tu vois. Non, c'est pas ça. Alors, je comprends pas. Moi, je suis français, tu vois. Mais toi, non. Toi, non. Non. Ah non, ça recommence, tu vas pas refaire la même chose encore deux fois, tu sais, je veux dire. Tu peux pas faire toujours la même chose comme ça, expressément, pour libérer ton anus. Mais moi j'avais anus. Besoin de... Pour libérer... De venir, quoi. Pour libérer ton anus. J'en ai marre que ça vienne à chaque fois, moi, c'est moi qui ai besoin de venir, des fois. Moi je suis venu. Ah non, mais tu vas pas me libérer l'anus cette fois. Pas que ça marche. Ainsi parlaient Zara. Les petits trous, plein de petits trous. Je vais mettre ma bite dedans, dans les petits trous, dans les petits trous. Les petits trous, ils parlent plein de langues. Ils parlent Zara. Ils parlent D et G. Ils parlent. J'adore, il parle, je le vaux bien. Il parle, Jennifer, ta gueule. Oh my god, it fucked me again in the ass. I remember last time, it was cool, but I mean this time was so great, man. That was so fucking cool, you know. Oh yeah, Nachtinemuk, Nachtinembebek, and fuck my wife. Fuck my wife, please. She said roof roof. I was just talking about my ass, man. So fuck my ass. Oh, sorry. French bunyul mac. No, it's not bunyul. It's worse than ever. It's not very orthodox. And Catholic. And Islamic. What's the word for étouffe crétin in French? Fuck my wife. Yes. In French, it's vive la France, la patrie de la mer. Oh yeah, de it's good. Vive it's la France, good. On va bouffer de la mer. De vive la France, la patrie de la mer. La mer de mon cul qui pue. Parler anglais. Tout le monde. Le monde entier devrait se mettre à chanter une merde. Parler unique pour la pensée unique. On peut jamais être tranquille, j'en ai marre. Mais là, ta musique n'entre pas dans le marché, donc tu te tais. Toute activité humaine doit faire partie du marché. c'est la règle du jeu. La première bouffée d'air d'un nouveau-né doit être vue sur le net, car la vie privée est obsolète. Et elle doit être économiquement viable. Vive la France, la patrie de la merde. Vive la France, la patrie de ma merde. Là où je mets mon dans le cul, que j'aime tant la vie. Qu'un gland impur abreuve votre fion. Je m'en fous, tout ce que je veux, c'est que ça soit économiquement viable. Ouais. Oh, c'est du vieux, ça. On en reconnaît la bière. Alors, lui, ce mec-là, il est pas économiquement viable, alors... Ouais, non, il faudra enregistrer tout, et voilà. Faut faire quelque chose avec ça. Oh merde, non, mais j'ai encore fait la même connerie, en fait, que tout à l'heure. Oh devant. Merde. Elle est devant. Elle est devant, moi je suis derrière et je l'encule. Et c'est les tonnerres mécaniques, ta mère. En fait, on n'a aucun respect ici, c'est ça. Hein. D'accord. Ouais, il n'y a rien qui marche. J'aime la vie, tu vois. Salut. Vive la vie. Nous prions les communistes qui sont sortis du studio de revenir. Toute activité doit être économiquement viable. Dans le cul de la vioque, je l'encule la vioque, c'est ma mère, je l'aime tant. Je l'encule dans le cul, maman, dans le cul, maman. Confiture d'anus. Ton doigt dans mon derche. Tu maman, bonne maman. Parce que je veux que tu sentes mon pied dans mon nez. Comme le haricot que tu m'as mis dans le naseau. Bâtard. Et du soja bio. Et j'en ai rien. Mais alors rien. C'est pour ça que je suis là. Je me suis trompé la dernière fois. Faut que je me corrige parce que sinon on va pas y arriver. merde. si j'étais une femme, je serais une salope parce que j'aime la queue et que j'aime bien chisser, tu sais. Je considère qu'on est légal des femmes, donc je suis plus possible. C'est pas exactement mon propos, mais c'est le tien en tout cas. Ouais. Si t'es pas d'accord, c'est que tu considères un peu. Je pars du principe que je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Je vais dire merde. Mais approche-toi, hein, t'inquiète. Et justement, je pars du principe que si t'es pas forcément d'accord avec moi, bah c'est que t'es pas forcément une pute. Non, mais je suis une salope quoi. Parce que je suis crados, je me suis pas lavé la bite depuis 3 mois, ouais, tu vois. Sais, t'es un drôle d'oiseau, ouais. Tu pues le poisson. Et tu as la réputation d'avoir un nid sale. Je veux de la merde. Allez, ou pas enculé. Moi, je suis plus une salope qu'un salaud en fait. Et vu qu'ils veulent pas donner de vraie définition dans le dictionnaire, ben. Je sais pas, peut-être que j'en suis pas une. J'allais caler dans l'aquarium. Quelqu'un a dû t'abandonner ma compagne. Si on est ultra bas, je t'accompagne pas. Mais au fond, j'ai cru glisser. On rentre dans la salle. J'aime pas la merde. Vous avez le casque? Nous sommes pas des gens normaux. On nous a coupé les ponts. Non, aucun retour. Ah, attends, fallait me le dire. Tiens, c'est bon là? Ah oui, là c'est bon là. Oui, ça marche. Mais je déplore le fait d'avoir toujours la même place. On serait pas dans une dictature là. Bah, frotte-toi la tête contre tes murs, merde. Frotte-toi la tête contre tes murs. Je veux dire merde quoi, tu vois. C'est comme ça que je ferais moi à ta place. Quel poste de pourri j'ai. Oh, c'est génial ici. C'est vrai que ta place est pourrie. Tu m'entends? Ouais. Ouais. Je t'entends, ouais, j'en ai rien à foutre. Tu m'encules, c'est ça? Vas-y, dis-le-moi. Oh putain. Dis-le-moi que tu m'encules. Ouais, putain de micro. Toi, je m'en fous, mais par contre, y'a pas de micro. Non, mais non, mais arrêtez de toucher le micro, s'il te plaît. Merci. Tu aimes pas les bruits comme ça? J'aime pas que tu touches le micro, il est tout neuf, voilà. J'ai appris à toucher des cordes. Ah oui. Ah, fallait le faire. J'ai déjà fait ça la dernière fois, mais ça fait l'équilibre. Faut l'équilibre au bord de la chaise, là, tu sais. Ah, tu m'entends pas, vas-y, mets le casque. Faut de l'équilibre au bord de la chaise et tout, c'est bien réussi. J'avoue que celui-là, il fallait y arriver. Bon bah apprécie maintenant la bonnette du micro, ça s'appelle une bonnette, parce que sur ce sur quoi t'as chié quoi. Donc ah ouais, ça correspond bien au thème de la soirée, vive la pensée comme des plans. Ça garde l'odeur pendant combien de temps? Ah bah attends de me dire, hein. J'ai jamais essayé, je t'avoue. J'ai jamais osé. Tu penses qu'on peut... Je pense pas, non. Ok. Non. Mais tu peux y aller, je sais pas ce que tu veux dire. Mais... M'en servir comme un esquimau. Ah mais c'est vers le micro qu'il faut parler mon gars, moi je t'entends pas sinon. M'en servir comme un esquimau. Bon excusez-moi, le matériel de canal sud est vraiment déplorable, l'ampoule va mettre à peu près un quart d'heure pour s'allumer. Comme à son habitude. Oh Bob Lime. Oh Bob Lime. Oh Bob Lime. Donc vivre et penser comme des porcs ce soir. N'est-ce pas? On aura droit à un débat philosophique ce soir. Vendredi prochain, ce sera philosopher comme un chien, mais ce soir, c'est vivre et penser comme des porcs. On fait ce qu'on veut. Okay. Pas trop on fort, peut... c'est tout. C'est vachement frustrant parce qu'il y a un type qui est de dos derrière moi et je le connais absolument pas. Les gens, en plus, c'est je suis pas de dos, je suis de face derrière toi, certes. Mais... Alors, justement, dans Skinhead, aux yeux blonds. Aux yeux blonds. Tu as le blond comme la bière. Lui, c'est la merde. J'ai les yeux blonds comme la bière. Tu as dit non à la violence. Pardon, c'est moi la merde, oui. Mieux remplir la merde. Nous sommes le lisier. Certes. T'es pas obligé de t'approcher trop près du micro. Je fais ce que je veux, merde. Oui, je peux te couper aussi si je veux. Ah, mais c'est pas cool. Ah, si, non, mais ça me prévient. Dictature. Voilà, c'est ça, autocrate. C'est tout moi. C'est tout le moi, ça. Personne a pensé à prendre un film ou un truc comme ça? Moi j'ai ramené un compact disque tout à l'heure. Compact disque. Ouais. Toi tu sors des années 80. C'est ça. J'ai des origines, hein, ça se voit. Hein. Joël, sors du bureau s'il te plaît. Joël, tu recraches mes poils. Mais ça c'est vraiment des postes. C'est... Non, plan de rigueur, ça ne sert à rien. Un poste comme ça, quelqu'un qui suit sous un bureau, ça ne sert à rien. Non, exactement. On appelle ça une secrétaire. Les secrétaires, c'est voilà. Pas au bureau, c'est au téléphone. Hein. Allez, Bob Lime. Lâche mon anus. Lâche mon anus. Non, mais à la limite pendant les pauses. Voilà. Non, mais c'est de la drogue. Hein. C'est le principe de la nymphomane. Prends pas de plaisir, mais il a besoin de se mettre tout nu, de se frotter. Le satire. Quel est le principe de son plaisir s'il prend pas de plaisir? Pas de plaisir physique, mais il en prend. Mentalement, ouais. Voilà. Oui, c'est la domination, hein, c'est Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. C'est pas, moi je. C'est comme mon trou du cul, j'aime je pense ça. Que c'est plutôt quand comme. Je pète dans l'eau. Elle prend du pion et des de les garçons. Les hédonistes ont le droit de recréer sa vie tous les jours, comme dit Michel Onfray. Justement, moi je me demande si nous, on participe pas de l'hédonisme, justement. Complètement, complètement. Parce que, mais parce que nous vivons et nous pensons comme des porcs. Blablabla. Non, mais au final, on prend notre plaisir là-dedans, yeah, en faisant de la merde, en mangeant notre caca. Encore, non, on le fait pas, parce que si on le faisait, ça serait écolo. I like to eat my shit. Et là... Oui, mais en même temps, on n'est pas des singes, hein. Tu vois les singes qui mangent leur caca, nous... Non, on est des porcs, nous. Attends, là, les seuls gens qui mangent leur caca sont des astronautes. Alors, est-ce que les astronautes ont une conscience surélevée par rapport à de l'humanité, du fait qu'ils vont dans l'espace? Mais en fait, c'est juste qu'ils sont, ils ont un rapport concret aux choses. Il y a des contraintes extérieures, donc ils sont obligés de s'y plier, quoi. Et nous, nous ne sommes pas obligés de manger notre caca. Ouais, c'est mais, vrai. Voilà. Les astronautes, en fait, finalement, en essayant de sortir de leurs conditions, de s'émanciper de la Terre, en viennent à un rapport très concret, finalement, aux choses. Oui, c'est ça, très concret. Mais alors, pourquoi se taper tant d'études? Être en forme physique. Pour arriver à une vérité si évidente pour nous, qui sommes sur Terre. Oui, mais ils niquent pas. Non, ça, par contre, pas dans mais micro. C'est encore mieux. Ah, j'en ai marre, c'est le bordel, on arrête tout. Ils ont tout compris. Moi je pense qu'ils ont tout compris parce qu'ils reproduisent. Voilà, pas on a tout arrêté. Il ouais. était tout une bravo. Fois. Allez, juste faire, tu es merde et tu merde. Retourneras merde. Ah, non, ouais. Tu mangeras de la merde. Cette histoire. Oui, mais moi je viens d'oligo-éléments. J'abandonne. Bah, je me casse, les gars. Allez, ciao. Il est parti. Chacune de ses fées. Claquement de doigts, il est plus là. Le fit bandé comme. Et j'aimerais bien que quelqu'un ait le courage politique de faire ça. Il a arrêté, tout simplement. Irak et bientôt en Syrie, tout ça y compris. C'est le même devis pour vous tous parce que vous n'acceptez pas là. La démocratie se meurt. La démocratie se prend très bien. En Libye, en Irak et même au Pakistan, en Afghanistan. Y'a la guerre et ça fait sauter le prix de la vente. Dans mon cul, ils ont pas ce que j'aime, c'est mon cul. Et ma bite dans mon cul, dans mon cul. Il s'assoit dessus. Ma bite dans mon cul, ma bite. C'est dans ce que j'aime, dans ma bite. Parce que je suis un humain, de l'ouest et tout. L'humanité s'est à chier. Non, après, c'est trop bien. Seule personne ne pouvait pas se branler assez. Elle a pas rien. On comprend rien, les gars. Ah, c'est l'enfer. C'est pour ça que les Américains, ils lui ont attaqué. Bizarrement, je me sens mieux en enfer. Maintenant, on parle plus. C'est l'obscurantisme. On écrit tout ce que vous devez faire. On ne va pas le dire, mais on l'écrit. Nous avons le maître des cérémonies. Que se fait-il? Je fume en soirée, je mange ma merde en soirée. Tu veux un peu de whisky? Ça va, j'en ai, merci. Si vous voulez un cendrier, c'est bon, vous en avez un. Si t'en veux, n'hésite pas. Hein. Il y a des hommes qui ne tiennent si tu veux, tu peux t'immoler sur le champ. Il y a des hommes qui se baladent. Il y a des hommes dans le chibre et mou. Il y a des hommes qui fantasment debout. Il y a des têtes de chibre en peau d'anus. Il y a des femmes qui se caressent nues. Il y a des femmes qui obsèdent les rues. Il y a des femmes dont le va-et-vient incessant font tourbillonner les bifetons. Il y a des enfants dont le cul est encore frais. Il y a des enfants dont la mère ne s'est encore... jamais dégusté. Heureusement, nous avons des ministres pour s'occuper de tout cela. Politiciens véreux qui ne comprennent la vie, tu ne verras point la lumière. Ouais, c'était bizarre ça. Pourquoi il y a plus de musique? Ce bruit là. Ah ouais, derrière. C'est vrai. Merde. Ce soir c'est musique en fait. Attends, mets ton casque, tu nous entends pas toi. Ah oui, c'est grande musique. Mais on m'entend moi? Non, c'est pas grande musique. Ah ouais, entends-toi. T'entends pas? Ah voilà, c'est parce que tout à l'heure, voilà, je t'explique. Bien, ouais, je t'explique. Micro ouais. Rouge. Micro rouge. En fait, voilà, c'est. Parce que micro t'as... rouge. Non, parce que je veux pas dire les prénoms. Et parce comment que, tu t'appelles? En fait, le micro rouge. Pardon, excuse-moi, mec. Ne l'écoute pas, le regarde pas. En fait, c'est dans ta tête, Je suis le rêve bleu. Tu crois que c'est lui là-bas? Il n'y a pas besoin de s'approcher autant. Voilà, c'est ça, tu l'as entendu. Ouais. Mais attends, ah vas-y, tu restes là. Oh, putain, il te l'a dit. Tu bouges plus de là, comme ça je peux mettre comme je veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il... Parce que là, il a quand même dit qu'il allait brûler ma mère si je me rapproche. Ouais, ouais, j'ai dit. J'ai dit, et texto, si tu te rapproches trop du micro. Brûle ta mère. Ouais, c'est ça, ouais. J'avoue. J'ai parlé de ma mère encore. J'ai parlé de brûler ma mère. Alors, j'ai parlé de brûler ma mère, les gars. Communication. Bon, c'est fini. Communication. Espoir. Donc, on parlait de musique aussi. Communisme. Non. Alors, ce serait quoi le rouge pour toi? Je sais pas trop. C'est fini, c'est quoi? Il se gratte trop. Ouais. Ouais. Plus la syphilis. D'accord. Syphilis, espoir ou autre chose vers. Syphilis, qui veut une syphilis? Qui veut un petit verre de syphilis? J'en veux bien, oui. Vas-y, ouais, sers-toi. Fais tourner la syphilis. À volonté. Mais il faut que tu nommes ton ministère. Toi, tu es le micro. Pardon? Tiens, c'est Color of Benetton. Benetton, ah, je comprends rien ce que vous dites, les gars. Je trouve ça putain, bien. Vous articulez vraiment pas. Hein. C'est une putain d'instru là-dessus. Tu pourrais poser et tout. Hein. Et moi, c'est ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Oh yeah. Elvis est mort. Non, je ne crois pas. Elvis est en toi. Elvis est en toi. Laisse-toi prendre par sa croix. Elvis est en toi. Elvis est en toi. Il te pénètre délicatement avec sa voix suave. Elvis en toi. Allez, aidez-moi, les oh gars. Yeah. Nous sommes le couple d'Elvis. I'm fucking my baby in the ass. I love so much my baby. In the ass, I fuck my baby. My baby. Oh, Elvis en toi. Oh, oui, Elvis est parmi nous. Il est en nous. Chacun d'entre nous. Oh, Elvis en toi, désespoir et humiliation. Elvis en toi, tous les vices et vertus. Elvis en toi, toutes ces putains de sangsues. Elvis en toi, Elvis en toi. Mon beau sapin, roi des gros nazes, je voudrais te bourrer le cul. Mais si je pouvais seulement te bourrer l'anus, je serais pas un humain, je serais un sapin. Alors vu que je suis pas un sapin, je peux pas te bourrer le cul parce que je suis un humain. Alors mon beau sapin, je me frotte à toi et ça me fait mal au cul. Je tiens à dire que Micro John, chaque fois que je me frotte à lui, il me pète les plombs. Donc voilà, c'était juste une gueulante personnelle. On peut pas se frotter à qui on veut dans ce pays. Micro John n'a toujours pas été nommé. Jigibou. Allez, je vous mets une instru si quelqu'un a improvisé de la merde. Il y a moyen. De la merde, des esprits. C'est la grosse merde, allez-y. Ce qui est vert, ce qui va au fond de ton fion. Micro jaune, nomme-toi, tu n'es que de la merde. Merci Gwen d'avoir mis une merde dans ma pédale. Ad vitam aeternam, connard. Gwen, ne vous inquiétez pas, il est pas là. Je comprends pas le latin. Tu es comme un pied, Gwen. Tu te souviens en 1979 quand t'es né? C'était de la merde la musique. Ça te durera pour la vie pour toi. Regarde la merde que tu fais avec ta vie. Il y a des générations. De la merde ta vie. Mon pauvre gars. Demain matin, quand la nuit n'est pas éternelle. Pauvre gars. Demain matin. Pauvre gars. parles conscient, évidemment. Oui, Bobolheim, j'ai très bien vu le regard que tu faisais. Évoluer, fais pas comme si je n'existais pas, Bobolheim, tu me vois. Je ne suis plus dans ta tête. Je suis dans vous-même. Tu m'aimeras un jour, tu m'aimeras tout. Regardez dans le Bobolheim, vous voyez cette chose consommatrice. On va régler ça à la sortie. Incohérente qui vous définit aujourd'hui, marié, des mensonges, des. Les mensonges et comptes substantiels au mariage. Je lance un appel à témoins sur les ondes. Si vous moi j'ai que des plus, j'ai pas de moins. Marié, deux enfants, faire appel à mes quand vous étiez jeune, c'est très important si vous connaissez cette série, car je l'ai vue, je trouve ça très bien. Personne ne l'a vue. Si vous connaissez Marié, deux enfants. Oui, je t'ai. Bah, oui. T'as volé mes chaussettes. Et c'était à Sandra ce truc, hein, mec, hein, le petit point point. Non. C'est pour meuf, mec. Mais c'est pour meuf anorexique. Ça me va très bien. Attends, c'est Volcom, c'est forcément pour Butchka. Anorexie mentale. C'est la censure. Elle, tu devrais les faire partir plus, les. Plus rapidement. J'aime entendre ta voix, tes lèvres délicates, faire du beatbox entre mes reins. J'adore quand tu me lèches, que tu parle-moi de mon cul, connard. Alors, ton cul non masculin, dérivé du latin, de tout l'homme, vita et expérience, tout ce que t'as pris dans tes fesses, qui va te rendre résigné. Reproduire n'importe quelle bassesse. Imagine une pyramide, tu t'assois dessus. Ça te rentrera forcément dans le cul. Est-ce que ça sera plus profond? Une tige de métal. Peux-tu savoir avant d'avoir mal? L'expérience n'est pas quelque chose qui te transcende, tu amènes à une certaine transe. L'expérience n'est pas là pour marquer la fin de ton enfance, mais le début de ton entrée en âge adulte. Tout cela, tu voues un culte. Quand tu n'as pas cru en Dieu, tu ne croiras pas ni au mythe ni au mirage. Que tu essaies de faire meubler les médias, les représentations, les magazines et ton entourage. Finalement, tu passes du culte. De l'enfance, de à l'enfulte. Oui, à l'enfulte, exactement. Avoir le plus beau fut. Être égoïste, hédoniste. Aller chez son dentiste si t'as les moyens et pas ton voisin. Est-ce qu'ici y a pas les moyens, bah c'est pas ton copain. Tu vas créer des classes sociales en fonction des habits que tu vas mettre. Il sera du luxe, de pédale ou alors. Du dernier hiver. Si ce n'est pas la bonne saison ni la bonne époque, t'achèteras ça en dégriffe, voire t'as pété dans des clubs, alors que tu vas faire tes courses chez Misty Griff. La dernière fois que j'ai acheté chez Misty Griff, eh ben, j'ai fait chialer une gonzesse sur moi et j'étais dégoûté. Parce que, à peine née, cette chemise était déjà morte. Et socialement, cela ne se faisait pas de la rejeter alors qu'elle pleurait. Alors qu'elle n'avait même pas de porte. Mais non, une chemise peut pas avoir de porte, ce n'est pas une armoire magique, ni une fenêtre comme Windows. Bon, heureusement, on a du whisky, c'est pas fini. Du whiskas. Pour le cassos. Alors, je parlais de tout à l'heure de la bite poilue. La bite poilue. C'était en comparaison avec la musique divine, celle de Lucien, mon bon Lucien. Léon, s'il te plaît, frappe-moi le fion avec ta grosse verge en or, s'il te plaît, oh Dieu, God, Miché. Oh, ceinture. Ceinture-moi l'anus avec un plug anal. En sec, plaisir, barbecue. Plaisir, vu que la dorure en reste aux mains, nous préférons la mettre dans un vagin. elle en retirera forcément quelque chose. Mes chers concitoyens, laissons l'obscurantisme à ces gens obscurs de peau. Nous sommes lumière et nous resterons l'éternel espérance d'une gloire future. On n'a pas le droit de boire au volant, mais on peut boire à la radio. Allons droit au mur, ensemble, citoyens. Oui, de l'eau, tu peux boire autant que tu veux. Oui, c'est vrai. Oh, si les assurances, bon, je rentre. Et du jus de pomme, pas d'alcool. Oh oui. Je passe un message à l'État, augmenter le prix des paquets de clopes ne nous fait pas arrêter de fumer. Oui. Il faut juste les glandes. Ouais, augmenter, moi j'aime quand les autres laissez ils payent nous, cher. Laissez-nous, s'il vous plaît, vivre et penser comme des porcs. Si c'est pas déjà fait, je veux dire. On n'a pas trop le choix non plus, hein. Arrêtez de torturer le salarié moyen. Laissez-lui la liberté de se tuer à petit feu. Liberté, merde. T'as pensé? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Non, l'allemand, c'est pas la langue. Pourquoi la plupart des Français, c'est l'anglais, c'est tout. Ont oublié tous les salariés qui sont suicidés à la poste. Tu peux répéter, s'il te plaît, vas-y, répète. Je comprends nous pas pourquoi. Nous avons le moyen, en fait, de vous faire tous penser. Oh, yeah, we can fuck you in the ass, baby. Yeah. We can fuck you because you don't understand. Yeah, fuck English. Anyway. Fuck me, man. English is not forbidden in France. We can say fuck. Fuck me. We can say fuck. Yeah, baby. Yeah, fuck me. English is not forbidden. We can say whatever we want in English. We can't say anything in French. Fuck. Une question de productivité. Ouais, l'adéquation des moyens offerts. On sacrifie des vies. Pour beaucoup plus de profit, un profit exponentiel. Au final, quelques vies sacrifiées pour tous fréquemment. Il s'agit simplement de s'occuper de la reproduction. La reproduction des moyens de production et la reproduction des moyens d'extermination. Au travers d'un discours politique habile, nous pouvons donc assurer les conditions de. De rien. Les conditions, celles qu'on a conditionnées. Tout à fait. Le cadre dans le cadre et encore le cadre dans le cadre. Moi, je dis il y a un package. Les Suisses ont inventé. Moi, je m'occupe de bien te le présenter. Je suis ce rêve bleu. Formidable. Je te le présente bien et en fait, bon. Ça craint. Je crois que c'était les Russes. Oui. Pendant la Seconde Guerre, les Russes ont inventé une stratégie fondamentale dans le développement économique de l'Allemagne moderne. Exactement, le premier qui recule. Je traduis pour les Russes. Je traduis pour les Russes. Ars la Riverstock, c'est comme ça. Vas-y, ouais, vas-y, carrément. Voilà, les Juifs n'étaient qu'une image parabolique dans la conception voilà, donc, d'un monde parfait. Ce qui est très bien compris. Une utopie allemande. Allemande. Russe. Évidemment, main dans la main, ils ont formaté le monde actuel. Ils ont créé cette conjoncture dans laquelle nous trouvons. Fuck me. Ce sont de grands penseurs, des idéalistes parfaits. Tout à l'heure pour de la déblatération, nous y sommes. Évidemment, depuis la nuit des temps, il y a eu toujours une élite. Pouvons-nous semencer devant les hommes ensemble et définir l'ensemble le pouvoir au pouvoir. Ouais, d'abord. Le pouvoir. C'est que le pouvoir qui peut l'exercer pour de vrai, ouais. Le peuple, l'ascenseur, au chiottes. Dimitri, j'aime beaucoup ta biquette. La biquette, ouais, est la seule qui ne sortait pas la biquette, en fait. Fais tourner la biquette. J'aime beaucoup ta jaquette. J'aime bien ma jaquette sort de mon placard, je l'avais oublié. Je recommence. C'est lorsque j'ai avancé une production l'an dernier que j'ai reçu suffisamment de salaire pour pouvoir me la payer. On peut se payer une biquette sur la biquette. Je n'ai pas pu remettre le bouton qu'elle avait en bas. Ouais. Je n'ai surtout pas eu le courage de laver mes vêtements, donc il n'y avait plus qu'elle. Et le trou du cul. J'ai lavé un caleçon avant de venir. Personnellement, je ne lave pas mes vêtements. Elle aimera prendre les vêtements de l'habit, le sexe. Ah non, mais ouais, c'est vrai que moi, les sexes purulents. J'aurais dû m'inscrire à une AMAP et à ça. Gentil, la biquette. Tu vois, j'ai acheté un poireau pour me foutre dans l'urètre. Ça serait le mieux. J'ai acheté un poireau pour me foutre dans le cul. J'ai acheté un poireau pour le lécher avec la bouche. Je pourrais fabriquer des cercueils et donc. Finalement, si et j'ai mis mon cercueil dans le trou du cul de quelqu'un et je ne sais pas qui c'est. Voilà. Alors j'ai perdu ma chatte et je suis allé chercher mes pattes avec la mère Lucie que j'ai pendue par les pieds. Salope me la suis de merde, de pattes, de chiottes qui enculèrent et de merde. Sale race et de était cool, hein. Con. Ouais. On a eu un échange de fluide corporel. Ouais. Et elle m'a remercié de lui avoir payé les cafés. Elle m'a chié dessus pendant que je l'enculais. Elle m'a dit ouais quand même, j'ai oublié. Elle est morte. Elle est morte. Exactement pareil. Et si, parce que tu le fais sur le père Michel. Père Michel, je me suis fait aussi. Oh mon dieu, oh mon dieu. On a fait un 69. Je peux pas, non, je peux pas croire tout ce que tu racontes. Regarde, je brûle, j'ai les pustules. Ah oh, mon dieu, ça brûle, ça brûle. Le soleil, non, mais c'est la nuit. Ah. Tu as de la chance que j'ai pas implosé, Joël, tu as de la chance. Ah, faut pas dire de prénom parce que sinon les gens il y a une dépression, il est sous vide. Mais je moi, te regarde, moi je il aurait pu imploser. Ah, oui, tu te rends compte, ah, c'est Jojo vrai, mais vraiment. Excuse-moi, j'apprends les règles. Non, c'est moi, c'est des règles de merde en fait. C'est sûrement des règles de merde puisque c'est mes règles à moi. Ça te plaît de faire imploser les gens? Ouais, mais nous on aime la merde. On rigole et puis ouais, on peut faire caca. Est-ce que tu arrives à dire Rachat, on suit un ragoût comme un chat? Ouais, tu peux. Alors mange la merde. Vas-y, ben dis-le alors, dis-le. Ouais, bah ouais. J'ai sucé la merde aussi. Ouais, t'aimes sucer la merde comme si c'était des Mister Freeze un peu? Non, j'aime pas sucer la merde. En fait, j'ai dit j'ai sucé la merde aussi. T'as sucé la merde? Ouais. Comme si c'était un peu un Mister Freeze ou non? Non, comme si c'était mon souci en fait. Tu suces tes soucis toi? C'est très courageux. Je les rebouffe quoi. Je les chie, je les rebouffe, je recommence, je les rechie, je les rebouffe, ça s'appelle. Tu peux faire pareil avec le vomi. Mais là, on a vraiment la preuve d'une vie intérieure là, quelqu'un qui arrive à ruminer, manger sa merde et se connaître si bien soi-même. C'est. Ça s'appelle le souci. Ruminer sa rancœur. Ruminer sa rancœur. C'est revenir vers l'essentiel, reconnaître l'intérieur. Ouais, je suis d'accord. Tout simplement. Avec, et la beauté vient de l'intérieur. Le monde, il est beau, le monde, il est gentil, j'aime le monde. Et parce le que monde, le monde, il m'encule et j'aime ça. Il y avait un artiste qui s'est approché un peu de ça. Il avait en fait mangé un billet et il avait dit voilà, là je l'ai chié, ça vaut quelque chose. Et quelque part, si on est honnête avec nous-mêmes, il faut manger sa merde. Être ou ne pas être honnête. Je tiens à signifier que j'ai travaillé 35 heures, 5 heures en intérim. Avec donc les 20% de avec majoration pour à peine 30 euros. Fion dans le fion dans ouais, mon moi j'ai travaillé doré. Pour 3,50€ euros. Allez hop hein. Boum boum crac crac gousi gousa dans le cul. Et j'ai acheté plein de merde. Et je peux péter la durée. Ça sert à quoi l'argent sinon à acheter de la merde pour la manger. Et bah voilà, là au moins on a quelqu'un qui a la pensée positive. Voilà, d'abord c'est bien parce que tu travailles pour rien. Tu travailles quand même, alors les gens ils sont quand même contents, tu vois, ils t'enculent parce que tu travailles. C'est branlé sur des films porno gratuits. J'ai envie de me casser le cul avec les gens. Mais ouais, les gens c'est de la merde parce que c'est de la merde parce que caca au fait au final, ils aiment t'enculer pour que tu puisses acheter et après pour que tu manges du caca. La Chine vaincra. Caca, ma, caca, du caca, du caca, du caca, du caca pour tous, du caca, du caca, du caca, du caca, du caca. Encore caca. Ouais. Suce la merde, mec. Suce la merde. Suce la merde. Vas-y. Suce la merde. Suce la merde. Vas-y. Vas-y. Suce la merde. Suce la merde. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Suce la merde. Et dans bien toujours bandé. Caca. Oh ma, oh tu me la mets si haut. Un plus haut que la plus grande. De chiottes par excellence, par excellence, nuisance, c'est de la chiotte pourrie de merde. Et je m'encule moi-même, et j'aime pas ça parce que je vis et que c'est normal de pas aimer se faire enculer, mais tant pis. Caca, le caca, toujours, ouais. Le caca, pour toujours, toujours, toujours, le caca, ouais. Toujours la merde, ouais, toujours, ouais, toujours, King, toujours plus. La fist school, ouais. La merde. Cool. plus la merde. Ça c'est du son un de peu dance floor. Plus ça de la merde. Plus ça de la merde. Un peu cette droite. La merde avec du verre solitaire. Comme une arme. Ouais. Fais-moi chier. Toi tu ne saurais jamais te déplorer. Tu es belle comme la Joconde. Jamais tu ne peux t'en morfond. Tu es celle que j'espère. Tu es là, là, là, là, là, là. Putain, y'a plus d'instru. Comment on fait pour se la faire à la TTC là? Vas-y. Du caca. J'ai roulé. Ouais, chez moi dessus, mec. J'ai roulé une caca, feuille papier dans ton jean, mec. La merde. Comme ça, ce soir, tu seras trop fun. De la grosse merde. Du caca, de la grosse du caca, merde, du caca, merde, du caca. Ah oui, du caca. C'était pour les Mayas. Oui, du les caca. Extrêmement, ça c'est vraiment trop bon. Pas mieux que ça. Tu crois que c'est parce qu'on va avoir une adoration du caca qu'ils ont fait un calendrier et qu'on arrive à l'année du caca 01? Quand c'est 2012, moi je pense qu'on est bien dans la merde tout le monde ensemble. Et du coup on va pouvoir tous se chier dessus en 2012, non? Allez, vas-y tous sur le Capitole pour faire une session. Ouais, on fait un chiage. Ouais, on se chie tous dessus en 2012. Ça serait vraiment trop fun. Grave, au lieu de faire. Et moi, je ramènerai plein de GHB comme ça, on se rappellera pas, mais on fera plein de photos. Ouais, mais il faudrait les afficher après les photos pour que tout le monde s'en rappelle dessus. Ouais, mais genre, il se rappelle pas, mais en même temps, il se rappelle. Genre, trop fun, tu vois le paradoxe. Trop cool, ouais, grave. Grave. Mais comment on peut faire chier tout ce monde? Ouais, mais Ils vont se chier dessus. Ouais. Ils vont s'entre-chier dessus, quoi. Ouais, tout le monde va se chier dessus, même nous, on va s'entre-chier. Comment on peut amener les gens à s'entre-chier? T'inquiète, ça va se faire tout on seul. On amène personne, tout le monde se fait tout seul. Ouais, t'arrives pas avec une Kalachnikov, hein. Chie sur ton pote. Tu lui dis, vas-y. Ça serait cool qu'on chie comme ça, les uns sur les autres, pour 2012. Ce serait trop bien. Genre, tu vois, ils ont inventé le bug 2000. C'est l'année du chie dessus, en fait. Tu vois, bug 2000. Ouais, on pourrait enculer des chie dessus aussi. Les charpés et les chie dessus. Et tu crois qu'on pourrait faire, genre, on augmenterait le vente de détergent et tout ça? Genre comme ça, après les gens... Ouais, on pourrait shooter comme ça avec du détergent. Et genre, on vendrait du GHB, après on vendrait du détergent, on vendrait du vasodilatateur. On se mettrait de l'eau écarlate partout sur le corps. Ouais, comme ça, ça colle pas. Ouais, grave, merde. Génial. Mais il faudrait que quand même la merde elle soit plus liquide, comme ça on aurait genre en même temps on se baignerait dedans, c'est tu vois. C'est pareil, tu vois, genre regarde, si on met de l'eau écarlate dans nos merdes, ben après la merde elle deviendra liquide et elle shootera en plus. Ah ouais. Ouais, t'as vu, ça fait un 2 en 1. Ouais, mais attends, ça veut dire que on va perdre de l'argent dans notre histoire. Mais non. Ah ben, on est les gens qui réfléchissent hein, un peu. Ben en fait, les auditeurs écoutent, ils sont là, ils adorent les enculent. C'est des merdes. Ouais, aussi. C'est sûr. Je veux dire. Il faut les enculer poliment. Genre, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous enculer? T'attends pas qu'il répond et hop, tu le retournes. Qu'on chie tout dessus, non? Bah oui, je sais pas, on peut leur chier à la gueule directement, non? Comment vivre comme tu n'es pas dans la bonne société, là. Retourne dans ton pays en voie de développement, là, si tu veux parler directement. Ouais, mais dans les pays en voie de développement, ils ont l'Ebola, et ça, c'est cool, tu sais, c'est un truc, ça te fait chier dessus, ça. Toutes tes tripes, elles sortent, et tu chies comme ça. Mais on parle pas du même pays, là. Ouais, non. Là, ça, c'est les zones extermination. Non. J'ai entendu extermination, si vous voulez bien arrêter de parler de ça, parce que je suis désolé, il y a des gens qui se sont fait exterminer un jour, donc on va pas parler d'extermination, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Grave, moi je trouve ça dégueulasse. Tous les jours, moi j'entends des gens qui se font exterminer. Moi je préfère le caca. Et ben non, on n'en entend pas parler, il faut pas qu'on entende parler, ça fait peur. Ça fait peur aux enfants. Arrêtez. Non, mais quand tu dis extermination, tu sais qu'il n'y a plus rien qui pousse après, tu vois. Là, on n'a pas affaire à une extermination, là, c'est ton histoire, là, on a affaire. Plus de temps comme ça, je me sens vexé. Comment ça, un génocide? Comment ça, des gènes? Je crois qu'il était pas mal, hein, parce qu'il était fort et c'était cool. D'abord, alors, on est dans un bar ici, on n'est pas dans une radio, donc les sujets interdits, c'est le sexe et la religion. On parle pas de ça. On parle de ça, hein. On parle et de caca sur la poubelle. Ma religion, ouais, c'est de la belle merde. Hein. Et ben, tu parles pas de ça. Ouais, moi, tu fermes ta gueule et tu manges ma merde. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas une question de respect, c'est une question ouais, de. Ouais, mais mange ma merde quand même. Ah, c'est une question de merde. On le fait chier, on parle de politique. Mais je l'ai pas dit. Les gars, alors vous votez. Ta question, c'est une question de merde. Tu l'as écrit, la charte. Ma chatte est tout. Quoi ? T'as fini de parler de ma chatte. Alors tout à l'heure, on parle de mon cul, moi je veux bien. Tu vois, mon avis, ça va. Mais ma chatte, alors j'attends, tu vois. Alors si vous voulez voter pour le sujet dans lequel on va aborder ce soir, appelez le 05 61 53 36 95. Nous répétons le 05 61 53 36 95. Alors là vous pourrez avoir libre parole de imposer votre choix, décider à votre tour si oui ou non pour la grosse chure du Capitole. Vous avez bien d'ailleurs, est-ce que nous pourrions prendre les armes et jeter des fleurs sur les passants. Ils aimaient se faire caca dessus aussi au final, tu vois. Ils vivaient, alors pour les nouveaux auditeurs, toujours la possibilité d'appeler les 05 61 53 36 95. Nous répétons le 05 61 53 36 95. Un peu. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Ceci est l'émission de Nuisance. Ceci est une expression d'expression libre. Nous n'avons aucun intérêt à nous exprimer librement en ce pays. C'est pourquoi nous avons tenu à faire une émission d'expression libre. Parce que, comme ça, au moins artistiquement parlant, on peut dire ce que l'inconscient a sur le cœur. Et on peut s'en libérer sans se faire vexer par les forces de l'ordre, car nous sommes en désordre intérieur. Même, tu vois, il y a des gens, ils aiment les caca. Et ça peut les aider. Ridicule. Bienvenue sur Radio Thérapie de groupe. Je ne suis pas au bon endroit. Mais de toute façon, même dans les produits de prestige comme le parfum, on retrouve du caca. Mais je pas sais pour pas rien. Si t'as vu que maintenant il y a un truc, ça s'appelle Vino, je ne sais pas trop quoi, et c'est un truc à base de vin. Alors est-ce que c'est pour relancer l'industrie du vin français? Eh bien non, parce que les quotas de la pâte interdisent. Et il y a du raisin dans la main d'une meuf. Alors je me demande, est-ce que c'est pour les meufs alcooliques qui sont en cure de désintox? Est-ce qu'elles boivent ça comme du parfum qu'elles ont le droit de ramener? Je me demande. C'est une bonne question. Donc on peut se demander peut-être que si les gens qui se parfument ne sont pas alcooliques en fait. Ben moi je pense que les gens qui se parfument, ils aiment quand même beaucoup l'alcool. Hein, d'ailleurs ça pose. Ils adorent. D'ailleurs c'est le slogan d'une marque de parfum. Aux filles en cure de désintoxication. Ben je pense pas non. Moi je dis peine de mort. Peine de mort pour tous les aveugles, parce qu'ils nous font chier, ils traînent dans les métros avec leurs cannes, et ils nous font trébucher. Exactement. Il y a des aveugles qui parlent, tristesse, ça m'énerve, je supporte pas. Moi j'ai l'idée de lancer un parfum qui s'appelle Merde. Je crois que ça doit déjà exister. Hein. Ça s'appelle Merde d'Anus, vous connaissez bien sûr. Il y a pas mal de personnes qui doivent se parfumer comme ça au final. Merde d'Anus, le robot du phallus, exactement. Ouais, qui sent pas la merde, tu vois. Je sais pas. Le match, c'était quoi, Milan AC contre je sais plus quoi, c'était l'Arsenal ou Manchester. J'aime la merde, mais il y a des trucs, tu vois, c'est trop bon. 4-0 à l'aller, j'aurais bien aimé connaître le résultat du match. Ouais. C'est juste pour ça. Enfin, je sais pas, moi je m'en branle, tu vois, je chie sur le foot. Je chie sur le monde. Fuck off. Si on pouvait changer la musique, ça serait cool. Non, moi j'aime. Moi je pense que le foot, en fait, on devrait vraiment l'amener. Ouais, merci, faites la merde. Son degré le plus pur, c'est-à-dire le hooliganisme. Le hooliganisme. En fait, ça serait des rencontres où on sera prêt et on mange sur de la merde un peu. On pourrait manger de la merde, tiens. La troisième mi-temps, ça ferait comme ça. Ouais, grave, on se projetterait des projectiles. Tu lançais d'excréments. Exactement, C'est-à-dire que les porteurs d'excréments seraient sur le terrain. On devrait. Ouais. Grave, de toute façon, c'est seulement on était des animaux, je veux dire. J'envisage la fraternité comme ça. On est des animaux, le cortex n'a que 100 000 ans sur l'échelle d'évolution. Mais une fois qu'on a. Quand t'as vécu aussi, ça avec l'autre, et ben là, tu fraternises. Vas-y. Big up à la fraternité. Ça y est. On est tous dans la même merde, les gars. Il faut du temps. Big up à la merde. Ouais, ouais, surtout au caca. Et la patience, surtout beaucoup de patience. Surtout beaucoup de patience, ouais. Ouais. On nage dans un océan de merde. Ouais, mais c'est clair, parce que quelquefois j'arrive pas à chier, tu sais. Je sais pas, je suis perturbé. Alors ouais, moi j'en vois tout le temps chier. Qui tirent la chasse des gens, mais franchement, mais ça c'est lâche. Du coup, il faut de d'ailleurs, la patience. Je voudrais lancer une cotisation à l'éparcile ce soir. Ouais, voilà. Non, parce que l'éparcile. L'éparcile pour l'Afrique. Moi je préfère avoir de la merde, tu vois. Beaucoup de merde dans une boîte. Et je peux me baigner dans ma merde et faire de la plongée dans ma fosse. Dans la fosse. C'est beaucoup mieux. Attends, fais pas le faux sceptique, je veux dire. Comment ça de quoi c'est cool les faux sceptiques. Bah, c'est plus cool que d'être vrai con quoi. Ouais, faut douter en fait, voilà, la fausse sceptique te permet de douter. Il faut la garder près de soi la merde. Si on se réincarne en faux sceptique, ça c'est vraiment quoi. Je sais pas. Moi j'aimerais bien. Ah bah là bien, c'est tu quand vois, tu embrasses que tout. On me remplirait une merde tout le monde déverse sa merde en toi et là en fait tu fais partie du tout quoi. Ne lisez jamais Miller, jamais le marquis de Sade. Ça sert à rien. Ouais, ouh, moi je crois que c'était un peu. Ouh, c'est mauvais. Ouais, bah moi, ce que j'ai compris quand même, le mec amenait les gens au bout de ce qu'ils voulaient et finalement leur disait bah alors, est-ce que t'aimes ça voilà, si moi j'adore ça. Ce qu'ils voulaient, c'est une démarche, merde, ça c'est une démarche de questionnement. Là, on est au pied du mur, on est sur la cuvette. Ça c'était que de la merde. Moi, je me sais très bien mon corps de métier, le charpentier, rien que la contrepétrie, le part en chier. M'amène à penser au quotidien à ce lot de merde que je porte. Ouais, porter de la merde pour en donner à tous, comme un Père Noël qui chierait sur vos gueules, ça serait trop bien, vraiment trop cool. Alors on va tous se chier sur la gueule. On va tous se chier dessus, ouais. Ouais, vas-y, carrément. Bah, ça commence par toi. Ouais, mais vas-y, là j'ai pas trop envie de chier, j'ai chié il y a pas longtemps. Moi je me chie sur la gueule, tu vois, ouais. Ça y est, c'est fait. Ça y est, oh putain, dans la t'es gueule. Sexy ah, comme putain, ça. Tu sais, merci, dans la gueule et tout, regarde. Ah, ça y est, j'ai avalé. Ah, putain, c'était bon. Ça c'est cool, mais t'as même pas sucé, moi je croyais que tu suçais le caca. Ah non, le caca, je le mets dans le cul, tu sais. Ah ouais, tu te remets dans le cul, tu me le mets dans le mien. C'est ça que t'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça non plus. Je comprends plus. Et bien vous pouvez rester là gratuitement à écouter ça. Et bien moi je trouve ça beau. C'est bien fait quand même, hein. C'est ça le rêve bleu. C'est 2012, il faut monter des sectes. Ouais, moi je pense que je vais être un gourou. Et ça sera cool parce que comme ça tout le monde mangera ma merde. J'ai fait une formation, formation tu peux former des gourous en fait. Ouais, mais moi je me disais plus, tu vois, faire un truc jusqu'en Inde et après apprendre de gens qui offrent de la merde pour pouvoir offrir de la merde à tout le monde. Moi je pense qu'on peut partager largement avec les Indiens. Tu penses qu'on peut partager largement? D'ailleurs, parce qu'ils sont forts quand même, certains. Moi je trouve. Faut structurer en fait ta présentation. Si tu veux faire une secte justement et avec thème central la merde, tu l'as dans le thème, le titre. Il faut qu'il y ait le mot merde ou quelque chose d'équivalent. Après, ensuite il y a les objectifs généraux et spécifiques. Ouais. Découvrir la merde à travers le monde. Les objectifs spécifiques ce sera de citer plusieurs types de merde. Ouais, mais moi je et après dans déjà le plan tu vas sur le côté. Et... Bon en ce moment j'aime beaucoup la chiasse, tu vois, surtout la chiasse. Note-le, on fait un brainstorming sur la merde. On fait un shitstorming. Et ouais, comme ça on aura toutes les merdes répertoriées. Seulement on fait un chibre-storming, je veux dire. Chibre-storming, mais d'abord on fait un shit-storming, mec. Shit-storming. On fait le shit-storming. Qui a du caca? Qui a des étrons? Qui a de la merde? Et qui a de la merde? Qui a de la merde qui s'écoule en gerbe le long de son fion? Qui a de la merde? Qui a les étrons? Qui a du caca mais dans sa maison? Et qui a de la merde dans son cocon? Son cocon plein de merde. Ça nous fout tous la gerbe. Je précise que c'est un texte qu'il a écrit que mon rêve bleu est en train de lire. Ouais, on a mis grave de temps, t'as vu, à l'écrire ce texte. Alors apprécie-le, parce que sinon on aura du mal à chier dessus, parce que c'est dur de chier sur les gens, tu vois, quand ils n'ont pas vraiment mérité. Au final, on y arrivera quand même, tu vois, mais pas stressé, ouais. Alors si t'aimes pas la chasse, en fait t'auras que ça. Et je te jure, ça sera de la liquidité totale et qui puera la mort. Et ça sera très bien, parce que je pense que tu vas te gerber dessus. Et après, on pourra se branler sur ta gerbe. Et ça sera trop cool. Allez, le cœur à trois voix. Non, non. Oh, petit hippopotame. Ouais, tu penses que ça chie comment, les hippopotames? Tu crois que leur merde, elle est comment? Ça chie des amphibie. Chier un jour des chieurs amphibies. On a grimpé le mont Everest. On a ramé des amis pour pas qu'ils soient en reste. On a marché le long des prés. Et on a chanté avec un ukulélé. Mon petit hippopotame. Que j'aime quand tu fais du tam-tam. Oh mon petit hippopotame. Si tu pouvais ne pas puer des pierres, s'il te plaît, mon hippo. On ira tous se faire un cul dans l'oignon. Tu sers pas comme un hippo. Oh mon hippo. Je t'ai vu voler là-haut. On est bien dans la fosse sceptique. Hein. Franchement, tu reviens quand tu veux, hein, dans ma fosse sceptique. Hein. Bon, ouais, des fois, tu sais, quand il y a un petit peu de merde séchée sur le bord, faut que tu l'enlèves et que tu entretiennes un petit peu, quoi. Tu sais, la brosse là. Moi, je m'en fous, tu vois, tu veux même t'inviter des copines et tout. Hein. Elles veulent pas venir. Ah. Tout le monde dit que les princesses, elles faisaient pas caca. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et les princes, normalement, ils savent donner du caca, quoi. Ils tiennent la porte, ils ouvrent les chiottes. Oh, mais vas-y, ramène-les, quoi. Moi, je reviens, mais depuis que j'ai fait des atouchoums à Malsain, ils ne veulent plus me parler, ça me rend constipé. Alors, bah, vous parlez tous le caca. Qu'est-ce qu'ils ont de Malsain, tes atouchoums? Qu'est-ce qu'ils ont de Malsain? Ils ont de Malsain, et bien, ils sont virils et ils sont. Je prends des câlins. Ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles, mais parce qu'ils nous aiment tous. Je suis torturé par l'homme et l'espoir humain de l'autre. Je ne sais plus rien. T'es enfermé le petit beurre dans la dans le regard là. Il n'a pas accès à la fosse sceptique. Regarde comment tu l'entends gémir là. C'est un cas trité. Bonjour, au revoir. Un gégène ou là, tu vas avoir. Non mais tu sais que c'est nécessaire dans la fosse sceptique les énergumènes dans ces gens. Bah oui, parce que ça mange l'espace. Comme ça, il n'y a plus de bactéries. L'inverse. C'est plutôt lui la bactérie, quoi. C'est pour ça, faut pas que tu verses de javel, parce que sinon après, ben, la faune et la flore, elles sont. Elles sont annihilées. Et ton rabot faire couler ton anus, et ben ce sera annihilé. Et ça ne fera que purulé. Je dois trop d'un sang, je peux plus, je dois mourir. Chacun sa merde, quoi. Faut assurer, quoi. Ben moi, justement, en parlant de merde, il faudrait faire caca. Mais chie-moi dessus, mec. Et tu me laisses un peu, s'il te plaît? Parce que il faut que je... Non, mais j'ai un biscuit, là, faut que je le trempe dedans, là. T'inquiète, raclure. Comment veux-tu que je l'enlève, raclure? Quand tu n'es pas là, raclure. Thank you. regarder ailleurs. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Moi, j'aime bien les petites histoires. Surtout quand elles sont racontées par moi. Parce que moi, j'aime mes histoires. C'est l'histoire d'un homme qui avait une voix très grave. C'était moi. Un soir, il s'est infiltré délicatement, tranquillement, dans mon pieu. Il me chantait des petites berceuses que j'adorais beaucoup. Il me les susutait à l'oreille. Ça t'en fait différer. Je me tais. Et moi, riant bêtement, j'adorais toucher les parties qu'il aimait, lui-même, que je les touche. De fil en aiguille, mes vêtements se défilaient. Me voici nu comme un ver, qui m'agite frénétiquement entre ses bras musclés et virils. À cette époque-là, je n'avais encore que 13 ans. J'adorais entendre ces petites voix. N'écoute pas ces voix. Ouais, ils écoutent pas. Nous sommes amis. Délicatement, il infiltra son petit doigt dans ce que l'on appelle aujourd'hui anus. Ouh, ça me chatouillait. Tu aimes ça? Je lui dis, ça m'a fait un peu bizarre, mais j'aime pas non plus. Oui, c'est quand même agréable. Tu veux? Il n'y a que des expériences qui valent. Ce qui fait que cet homme, petit à petit, devenu l'image masculine d'un père qui, parti à la guerre, m'avait oublié. J'étais loin, à Saigon. Et là-bas, il y avait tellement de plis que je ne pouvais penser à 10 choses à la fois. Ce saligo avait pratiqué le doigt anus avec d'autres personnes que moi. Alors, je lui bondis sur le cou et lui griffis sauvagement sa jugulaire. Aïe, aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas que je suis ton père. Il hurlait avec cette voix suave que j'adore. Il hurlait fort, fort. Et moi, ce qui va t'arriver, hein? Et moi, ça me faisait mucuser. Oui, mucuser, maman disait que ça s'appelait comme ça. Quand, en santé, son petit orifice, tout dilaté, suait d'une chose que jamais ne peut odorer un être aussi bénin que moi. Mais oui, tu sais, le mucus ne ment pas, tu sais que tu aimes. Oui, oui, je lui dis. Mais bon, c'est la dernière fois que tu me fais cela. Ah oui, et alors, tant que tu as du mucus, moi, je reviendrai. Mais bien sûr, Choupinet, c'est la nature qui veut ça. Maman me l'a toujours dit. Pourquoi crois-tu que nous t'avons fait? Et si ce n'est pas moi, ce sera d'autres. Je lui dis, mais moi j'aime quand c'est toi. J'adore tes petites mumulements que tu me fais. Ces petits va-et-vient incessants qui font que mon corps vibre et mon sang bouillonne dans mon petit corps. Qu'est-ce que tu es bestial? nous avons un jeune entrepreneur qui nous propose un joli projet sur la merde. Ouais, écoutons-le. Ouais, d'abord, alors moi j'aimerais construire des immeubles en merde parce que je trouve ça beaucoup plus sain déjà pour marcher dessus, c'est mou, hein. Et ça masse d'abord les pieds un peu. Puis c'est une matière, elle est vraiment cool parce qu'elle coûte pas trop cher. Et moi je pense que vu qu'on aime tous la merde, et ben on pourrait tous adorer déjà. Puis après les immeubles ils seraient pas très hauts, ça serait plutôt des barres mais sur un petit étage. Donc tu as déjà les plans en fait. Ouais j'ai déjà les plans et en fait ça serait pour être plus au contact de la mer, tu vois, il faudrait que ça soit vraiment petit et comme ça on aurait toujours de la merde vraiment mais proche de nous. Mais c'est super mais... Comment t'es venu cette idée en fait? Ben, en fait, depuis tout le temps, j'aime la merde. On m'a appris à aimer que ça, en fait. Et voilà. D'accord. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas vivre tout le temps avec ma merde? Pas dans mon petit sac, dans mon petit bocal, tu vois. Genre un truc mieux où je pourrais vivre en harmonie avec ma merde. Ce serait feng shui de la merde, tu vois. Et alors ça, c'est... On peut vivre dans des habitations merde comme ça, avec toute sa famille. Ouais carrément, tu vois. Bon après il y a peut-être des chances que t'arrives pas à avoir trop de descendants, tu vois, mais après ça fouche mort et tout, tu vois, ça te fait une petite brique en plus pour ton mur de merde qui t'est arrivé ou que t'as envie que ça. Enfin tu vois. D'accord. C'est de la merde quoi. Oui c'est vrai. C'est en fait beaucoup de gens construits sur de la merde et c'est vrai qu'on oublie cet art de bâtir en fait. Ouais bah ouais. Parce que déjà c'est de la construction organique hein. Et c'est beau. Et puis bon, voilà, ce jeune en fait a parfaitement compris la tradition qui est de bâtir de la merde, ouais. Et de s'entourer de merde. Bah et ouais. En fait voilà, on en revient aux mêmes choses. Le véritable homme de tradition, ouais, c'est celui qui nous décrit la merde. Ouais voilà, ouais, ben moi je pense que d'abord... Hein. Ouais c'est vrai carrément, ouais. Aussi ouais. Ouais d'accord, c'est vrai hein. Ouais. La tradition. T'es d'accord. On est des putains de génies mec. Bah ouais. On est des putains de génies. On ferait carrément. Mieux de On ferait bien de putain. Tu vois ce que de je veux dire. De manger plus de merde. Tu vois ce pense. Que je veux dire. Merde ouais. Non merde c'est dégueulasse merde. Quoi. C'est dégueulasse. On se fout de ma gueule. J'en ai marre. Non moi bah, je me casse. Allez vous faire enculer avec moi d'abord. Tu veux qu'on s'encule avec toi. Non mais finalement ne vous offusquez pas. Vous avez la même idée hein. Ouais manger. Je chier plus pour manger plus. Voilà. Tu n'es pas assez c'est fort. Ça. Pour manger plus de merde, pour pouvoir en produire plus forcément et c'est cool, tu vois. J'en prends au petit-déj et je tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, tu manges ouais, du caca dès le petit-déjeuner. Moi je trouve ça cool parce que je fais pareil et ça manque de personnes comme ça. Et ouais. De personnalité, bah oui. Mais pas de personnalité, moi je veux juste du caca dès le matin, tu vois. Genre, je me réveille avec une bonne merde sur la gueule, ça c'est un truc que je kiffe quoi. La personnalité, ouais, ça je préfère, tu vois. Même si tu mets ton trou de balle sous le nez, c'est toujours mieux que rien, tu vois. Tant que j'ai une petite odeur de merde au final. Ouais. En fait, finalement, vous êtes un fervent défenseur du ouais, lien social. Se sentir le cul. Se sentir le cul, mais c'est normal. Enfin bon, mais au final, c'est vrai qu'on est beaucoup trop dans le virtuel aujourd'hui. Ouais, et c'est ça. On a besoin vois. De se renifier derrière. Ben, on a toujours fait ça, tu vois. Enfin, je sais pas. On reste des animaux et on a besoin de savoir en ce qu'on chie, quoi. Et voilà, tu vois, tu t'aiderais plus une personne en lui disant ouais, c'est bizarre, ta merde, elle est bizarre. Ouais, je pense que tu pourras plus la sauver qu'en disant que, oh, t'as une mine patibulaire ce quand soir. Quand j'ai vu quelqu'un a chié finalement, il a marqué un peu son territoire, je vois un petit peu ce qu'il a mangé quoi. Le, ouais, quelle ben voilà, culture. Tu sais, et voilà, directement quoi, tu sais qui c'est la personne, tu vois, dans sa merde, ben, tu vois qui ouais. C'est. Étrons souillés, car ici désormais, C'est l'avenir de la merde. L'avenir de la merde. Caca, caca, caca. On fait du caca, caca, caca. Caca, caca, caca. On fait du caca, caca, caca. Et moi, main dans la main, remplie d'excréments humains. J'aime beaucoup toi et moi. Main dans la main, remplie d'excréments. Avec des excréments. C'était mouvant. Ouais. Les excréments. Ouais. C'était mouvant. Parti pour la friche. Mange ma merde. Je vais partager ça avec vous. Il y a des jeunes qui écoutent la musique là, il y a des jeunes. Quoi, des jeunes? Il y a des jeunes, ils sont un peu agressés par ces sons là. Non, non. Venus tout droit de l'espace pour agresser les terriens habitants. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez chié dans la colle? Vous avez mis de la colle dans la merde, hein? Ouais, parce qu'on aime la merde. Mais non, mais faut pas mettre de la colle dedans, mais si, gars, ça nous shoot, on a pas besoin de ça. On aime la merde et ça nous shoot en plus. Mais alors l'essentiel, c'est la merde, faut qu'elle reste pure, la merde. Mais oui, mais avec de la colle, ça perche. Mais tu peux te percher avec de la merde? Ouais, fermenter. Mais t'as vu, c'est mieux avec de la colle quand même. Putain, j'ai envie de gerber quoi. C'est la coloscopie. Gerbe-moi dessus, hein. Tu as le rythme dans la peau, tu me sens, c'est le battement de mon gland. Tu as le rythme dans la peau, tu as le rythme dans ton dos. C'est gris dans la brume, il y a de l'écume qui s'échappe de ton vagin. Excuse-moi mon beau rêve bleu, mais j'ai envie de parler des choses sérieuses avec toi. Je ne sais pas si je suis équipé pour parler des choses sérieuses. Si, non, vraiment, vraiment. Tes dernières expériences. Franchement, je m'en rappelle plus. C'est pas l'espoir de te faire écouter par des millions de personnes. Ça y est, mec. De me faire quoi? De te faire écouter par des millions de personnes. Non, pas du tout. De toute façon, tu pourras pas. Tu pourras pas. Parce que entre l'inculable et l'écoutable, il n'y a que quelqu'un. Il n'y a que le? Il n'y a que deux êtres finalement, tu es d'accord avec moi. Finalement, est-ce que la sodomie n'est pas une hérésie, une dérive du vocabulaire, tout simplement? Parce que, Alors, je n'ai pas vu le film et je ne connais pas la définition de sodomie. Je ne connais pas assez de fondamentaux. Est-ce que tu veux manger ton rabou comme ça? Non! Eh bien, mange de la merde! Je me suis levé sans savoir ce que je mangeais. Ouais, mais tu savais que c'était quand même un peu ma merde, il y avait mon cul sous ton nez. Ouais, je le sais. Ce que je suis ne m'appartient pas. Ouais, ça m'appartient qu'à moi. Ça nous appartient à tous. L'homme n'assume pas ce qu'il fait. Ça nous appartient tous. Je mets toujours ma merde la tête sous l'eau. Comme ouais, avec 12 litres, une colonne de 12 litres, de ma chasse d'eau. nous appartient tout. Sa bulle, sa bulle. Comme Google qui mange des rats. Car c'est oui, mesdames et messieurs, les cannibales en moins de deux. Il vous vit d'un être humain, son squelette, absorber la chair et son cœur et son âme. Il grossit à chaque fois de 21 grammes, mais il s'en moque car lui il veut être gros, car son rêve c'est d'être un sumo. Oh merde, je croyais un suppôt, putain. Moi, je préfère un suppositoire, mec. Qui mange de la merde de vieille. Son rêve, c'était un suppôt, putain. Un suppôt de Satan, la bite, je sais pas, quelque chose, tu vois. Suppositoire. Merde, de un Satan. Suppôt de quoi un suppôt de Satan. Présenté Satan dans la bite, Satan la bite, Alien, Alien de Ridley Scott en 1978, qui représentait l'alien Titanus, qui à chaque fois qu'il pète un anus, voilà, je vois ce que il grandissait. Tu ne sauras pas, car si tu la grandeur d'âme. Il n'y aurait plus de magie. Il n'y aurait plus que de la consternation. Non, et du caca. Plus de paix sociale. Et alors de la constipation. Ouais, mais quand c'est constipé, c'est cool parce qu'il faut aller chercher avec la main après. Et il y a des docteurs, et ben ils aiment faire ça. Et moi, j'aime bien les docteurs qui aiment faire ça. C'est les extirpeurs. Et les extirpeurs, exactement. Mais ils sont cool. Eux. Ils extirpent. Tu veux t'extirper, mon ami ? Fais l'école d'extirpeur de ça. Moi je donne des cours d'extirpage gratuitement. Alors si ça vous intéresse, ben appelez. Ouais, carrément. Et pour tous les enculés qui viennent pas à Toulouse, et ben qu'ils enculent, tu vois ce que je veux dire. Vous avez bien compris. Qu'ils s'enculent les mecs qui viennent pas à Toulouse parce qu'ils puent du cul. Lien, vous êtes dans c'est des mecs qui puent du cul, tu vois. L'analogie. Et moi je dis, franchement, allez à l'ENA, allez à l'école nationale d'analogie. Vive la France. Vive la République. Vive l'arrêt, ouais, la République, l'arrêt, elle est publique, l'arrêt. Vive l'arrêt, l'arrêt qui est publique. Ouais, elle est publique cette raie-là. Ouais, je la montre à tout le monde, République. Tout le monde, une grosse pute. Putain, depuis le temps que je voulais ça, gratos en plus. Ça, tout le monde ah non, il faut content, payer l'impôt. Ça va, je suis un imposable. Aurais-je le courage de montrer l'arrêt en public ? Moi, profiter de l'arrêt public. Parce que tu saurais qu'il y aurait tout le foutre du monde qui est passé dedans. Certaines républiques sont plus égales que d'autres. Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que ça dépend si c'est une raie manta ou une raie. Moi j'aime. Les puissances sexuelles remboursées par la sécurité sociale. Ouais, d'abord je pense que les prostituées devraient être remboursées quoi. Parce que tu vois, je pense que. Bien dit. Ça c'est une vraie revendication. Ouais, parce que la perversion est masculine et l'hystérie féminine, tu vois, même, c'est normal. Tu vois, je veux dire. C'est comme les battes de baseball, elles devraient être remboursées par la sécu pour les mecs qui frappent les femmes. Parce qu'elles sont hystériques, elles mérite. Les devraient être remboursées, puis ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Nous leur prêtons nos bourses pas longtemps, en fait. Après, il devrait y avoir aussi, tu vois, des. La première proposition était bonne. Moi, je pense la tienne, que. Je veux dire. Ouais. Les putes, ça devrait être gratuit parce que c'est quand même. Ouais, la prostitution devrait être gratuite. Ouais. Elle devrait être remboursée par l'État, mais financée par l'État, ouais, à part entière. Par l'État, normal, quoi. Vous vous trompez, vous faites complètement sur toutes ces vocations. La prostitution est gratuite. Non, mais elle fait partie de l'économie. Je comprends pas, il y a des on vend des shorts de guerre, on vend tout un tas d'ustensiles parasitantes aux gens de rendre la prostitution gratuite. Je pense que tu peux vivre et manger de la merde comme un porc. À partir de 1 euro, mais vivre et penser comme un porc, ça résume pas manger de la merde. Ouais, mais je pense que c'est déjà pas mal de la pensée, quoi. Tu vois, si tu manges de la merde, ça veut dire que t'es bien embrouillé. I wear fucking a goat in my feathered plucking insanity. Love is fucked and I give a fuck about death. Fuck us and fuck me and fuck Kyle. Oh shit, there's a fucking delay, I can't understand anything I'm saying, man, what the fuck. Avec mon salaire, j'ai beau tortiller du cul, je ne chie pas droit. Est-ce que je chierais droit si j'avais un meilleur salaire? Deuxième à droite. Moi je te donne ma réalité quotidienne. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que plus j'ai un gros salaire. plus les gens ont un gros salaire, moins ils chient droit. Ouais, mais moi j'ai connu des gens qui avaient rien et ben ils chiaient quand même et ils mangeaient de la merde, tu vois. Et voilà, tu vois. Alors que finalement, ben, c'était des merdes en eux-mêmes et ben, finalement, ils partageaient ben, leur merde, leur corps et leur merde tout court en fait, tu vois. C'était de la merde et du coup, ils s'offraient à toi et ils te donnaient. The telephone has fallen to the ground. Le téléphone est tombé à terre. Quoi? Le téléphone est tombé à terre? Saint code, ça veut dire merde. Merde, ça c'est cool. Le téléphone has fallen on the shit. Yeah, shit, mais... Selon le schéma qu'avait montré Marx, il y a deux propositions, deux dynamiques différentes. Merde contre un genre, merde contre merde. Ouais, mais je crois que cet homme-là, à la base, aimait le caca. Voilà. Ou argent contre merde contre argent. Moi, je crois qu'à cette époque-là, ils adoraient encore plus la merde que maintenant, tu vois, surtout ces personnes-là. Est-ce que tu as bien compris la différence entre les deux? Ouais, mais... ça n'empêche qu'on aime tous la merde au final. C'est pas si facile. Parce que l'intention n'est pas la même en fait. Si tu as de l'argent et que tu achètes de la merde pour avoir de l'argent. Pour avoir de la merde. Non. Si, si, au final c'est pour avoir de la merde. Non, tu te sers de la merde pour avoir plus d'argent. Pour avoir plus de merde après, normalement. Eh ben non, ces gens-là en fait cumulent de l'argent et pas de la merde. Bah si, après ils cumulent du caca, bien sûr que si, parce que... Je vais demander donc à notre homologue merdique en face, qu'est-ce qu'il en pense. Quelle est l'intention en fait, lorsque quelqu'un avec son argent achète de la merde pour avoir de l'argent en retour? Quelle est l'intention? Il veut pas manger de la merde, il veut faire plus d'argent. Considère l'argent comme de la merde, c'est qu'il fait plus de merde, alors c'est plutôt pas mal au final, non? Je sais pas. Laissez-le. Moi je t'écoute pas parce que je préfère écouter de la merde. Non, moi je n'aime pas trop ça. Argent, merde, marchandise, merde, alors tout le monde aime de la merde, alors la merde, on mange tous de la merde. L'argent contre de la merde, c'est cool, pour avoir de l'argent. Ouais, la merde, c'est cool. Simple échange de merde. Ouais, c'est ça, parce qu'au final on aime tous la merde, t'es d'accord avec moi, hein, micro jaune, parce que je suis sûr que t'aimes la merde toi aussi. Ouais, t'aimes la merde. Et micro bleu, micro vert aussi, je suis sûr ils aiment la merde, parce que ça se voit, c'est marqué sur eux, c'est marqué sur tout le monde qu'on aime ça. Moi avec mon argent, j'achète de la merde. C'est non plus une boucle en 3 cycles, mais en 4. Alors moi je voudrais arrêter l'argent et échanger de la merde contre de la merde. Définitivement. Est-ce que le bonheur est une vertu? Moi j'y crois. bonheur, tu le sens. C'est une étincelle que tu as, putain, depuis que tu nais, et tu sais vraiment laquelle c'est. Ouais, c'est le vrai, vrai bonheur. Le bonheur, c'est comme la merde, ça se sent, tu vois. Tu vois, ça se sent à des kilomètres à la ronde. Tu veux dire que tu as connu la vérité dès le stade anal. Exactement. Même le stade prépubère, même le stade prénatal. Le bonheur, il est inscrit en nous. On veut tous la paix, l'amour, le partage. Quand on voit quelqu'un dans la merde, ça nous sert pas le cœur, bien sûr aussi. Et même le plus gros connard, ça nous sert le cœur. Et c'est ça, la vérité première, tout simplement. Bien sûr, on va manger du la caca. Vérité. On va pas arrêter. On se noie dans le caca, on le respire, le caca. Du caca au picot, du caca au pavot, du caca au pissenlit, du caca en salade, du caca au gratin. T'en as tout le temps, à tous les repas. N'importe quelle heure du jour et la nuit, c'est clair. Il n'y a pas que le caca. Et c'est ce pas que le caca qui te permet de différencier qu'il n'y a pas que le caca. Et c'est ça qui est important. Plutôt que d'essayer de toujours bouffer le caca, essayons de bouffer autre chose, le pas que le caca. Donner du sens au caca. Donner du sens au caca, exactement. Faire des flèches en caca, à droite, à gauche. Nous connaissons la vérité depuis le début. Il y aura le pilier. Mais bien sûr, c'est simple que ça. C'est juste parce qu'on n'arrive pas à dire fuck off. Allez vous faire foutre, c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à dire. Mais la vérité, on la connaît, on la connaîtra toujours. Et on dira toujours fuck off et allez vous faire foutre. Soyez pas con. Et nous, on essaie d'être pas con et on vous emmerde. Alors, pour assumer le fait de vivre et penser comme des porcs, sachons tous, rappelons-nous que nous sommes tous dans la même merde. Partageons-la. Soyons cons, amusons-nous et on vous emmerde. Merde. Et vive le caca! Ça, on a bien adopté le thème de Hal, quoi. Est-ce que, ouais, c'est vachement vite plié, en tout cas. C'est nous avons osé. C'est ta vérité. Non, vive le caca! Vive le caca. Toujours encore plus de caca! Bon, moi je suis pas forcément d'accord qu'on monopolise les micros à travers le pays, quoi. Parce que les enculés, les bâtards qui viennent pas à Toulouse, tu vois, moi je les prends, je les retourne, tu vois. Et chez eux, ils y retournent, c'est tout, tu sais. Ils y restent, puisqu'ils sont pas contents. Ils ont qu'à rester chez eux, hein, les Auvergnats, je veux dire, merde, quoi, tu vois. Avec leur faf, leur thune, tu sais. Hein, ces richous là qui ont plein de blé et tout, hein. Vous avez plein de fric, les Auvergnats, vous êtes des riches. même. La fin, c'est bientôt la fin. La fin, c'est bientôt la fin. La fin, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. La fin, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Bientôt la fin. N'ayez crainte, la fin arrive. La fin est proche. La fin est proche, proche, proche, proche, proche, proche. Je vous annonce la fin d'une émission. La fin d'une émission. C'est Nuisance 92.2 FM sur Canal Sud, je veux dire FM ou canalsud.net.